hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. Not need to give me your love. Soja ice in la lin, fini pète tout stress sans aller pour lin. Tout copine nous a dit ou fuck ou follow him. Girl follow me, mais madame Bendo sa dos sa clean. Everything nice on nous taille Colombia. Bad girl café, moi plané. It's about that time. What time is it? Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes. On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi? Une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin... Bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, Fego, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Pourquoi ça tu cries comme ça? Parce que je suis heureux, frère. Vas-y, chante avec moi. Ne pas de joie comme ça. Ça, comme ça. J'ai le 9-7, c'est le menu comme on nous nuit. Ça, comme ça. J'ai le 9-7, c'est le menu comme on nous nuit. Comment ça va, Sabri? Ça va, ça va. Il y aura quoi ce soir? Il y aura du Hey Baby Allo? Eh oui, comme tous les soirs, du Hey Baby Allo, c'est Kalash qui vous appelle. Vous laissez vos coordonnées au 0820 203 200 ou par message privé. On sait déjà qui on va appeler ou pas? Non, on attend vos numéros, les gars. Hier, c'était Chrono Pizza, la surprise tout à l'heure pour aujourd'hui. Comment ça va, Nessie? Ça va bien, et toi? Bah ouais, tranquille, t'as prévu quoi ce soir? Bah, il y aura certainement du Big Quiz, des Breaking News. Pour gagner des cadeaux, il y a des places de cinéma, il y a du Tarus Riley aussi à choper si vous êtes en Martinique. Ce sera le 30 septembre. Salut Keshi, au standard. Ah non, mais c'est le temps qu'il arrive au micro. T'as pas entendu le bruit des sandales sur le carrelage? J'ai entendu. Vous démarrez trop fort, les gars. Pourquoi c'est cool, man? Tranquille. C'est à cause de toi qu'on démarre autant. Il y a également le stagiaire de Keshi, c'est Yoshi. Comment tu vas? Yo, ça va et toi? Bon, ouais, tranquille. Et puis le deuxième stagiaire, tu as un prénom ou pas? J'ai oublié. Oui, c'est Tikam. Mais deuxième stagiaire, c'est un peu péjoratif, je trouve. Tu veux quoi? Vas-y, tu as le droit à un Tikam, ouais, parce que tu vois, deuxième, ça fait un numéro et tout, ça fait genre numéro 2. Allons-y, y'a Tikam, on est là, mais il manque pas quelqu'un ce soir. On va l'appeler numéro 2 quand même. Il manque pas une voix ce soir? Oui, c'est bizarre. Je vois pas de qui tu parles. Mais oui, un gars qui dit hashtag G97, hashtag Trace FM, à un moment ou un autre, et tout, tout. J'ai un mot de dire, pour être sincère avec vous. Il manque pas quelqu'un? Si, il manque quelqu'un. Je vois pas de qui tu parles. C'est qui? Yoshi, il manque qui? Je cherche, je vois pas. Je vois pas. C'est pas vrai. Mais on va l'appeler. Je sens qu'il y a une présence qui manque, mais je saurais pas dire. Pourtant, c'est quelqu'un qui prend de la place d'habitude. C'est vrai? trop je vais lui dire. Plus que Cachy. Cassie Nuke, le gars gros, je vais lui dire. Mais non, pas forcément. Bah, il manque Yannick ce soir, c'est bien ça. Ah, c'est bien lui dont tu parlais. Ouais, ça se pourrait, ça se pourrait. Le chat n'est pas là, les souris font le truc là. Les souris twerk, les souris wine. On va essayer d'appeler Yannick tout à l'heure. Il y aura du cocoteur un petit peu plus tard dans la soirée. On s'est inscrit sur des sites de rencontres. On a mis un profil chaud chaud chaud d'une meuf super bien faite. Et puis on chauffe les cocoteurs. C'est qui que tu vas chauffer ce soir? Big Coco je crois, un truc comme ça. T'avais dit que c'est une fille. Mais non, moi je me fais passer pour une meuf. Ah bon. Et je chauffe les gars, les gars. Bah oui, je prends une voix, je suis comme ça, salut, bonsoir. Oh là ça va, ça va. Oh. Tu regardes dans les yeux, c'est pas le même. Ça suffit, ça suffit. Bref, bienvenue dans Génération 97, on va démarrer avec du Bambi, c'est faux pas. Comment on dit ça? Faux bas mollet, c'est ça? Oui. Bon. Faux bas mollet. On va l'appeler, on va lui demander. Ok, ça marche, bienvenue dans Génération 97. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Bambi. Faut pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Faut juste savoir qu'il y a no car around the world. Faut pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabaye au mal tête. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'aïe. Et si on les suspect, qu'on t'a représente girl. T'es ouais, mon aise on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. L'amour habité comme mon gang, biché on point. Caribbean girl, I no car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gang. Bambi, y'a sa coupe qui a pété y'a tête non-stop. Moi toujours qu'à venir que des different steps. Chaque son, mon cassette, c'est qu'à different tap. Grand foki, faut pas moller l'amour qu'à flasque et mon girl. Toujours à savoir qu'il y a no car around the world. Faut pas moller l'amour qu'à flasque et mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabayo mal tête. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des respect, mon car represent girl. Nous qu'à voyons bien les bandes en sol. Tout le monde y pour l'opot. Nous cas amusé, il va j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, un côté, il va j'ai gain pièce flop. Nous cas prend yo bien les bords d'un sol. Full money pour l'opot dans nos cas backside. Nous cas amusé, il va j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, un côté, il va j'ai gain pièce flop. Faut pas moller la mouka flasque et mon girl. Faut j'en savais qu'il y a no car around the world. Faut pas moller la mouka flasque et mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabayo mal tête. Bitches qu'a mal parlé, mais nous pièces font l'aïe. Et si y'a des respect, qu'on carré present girl. T'as ouais, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est bliché on point. Caribbean girl, I no car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gang style. Bambi, y'a sa coupe qu'a pété y'a tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que des different steps. Chaque son, mon cas sorti qu'a baillé different tap. Grand funky, faut pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Faut j'en savais qu'il y a no car around the world. Faut pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabayo mal tête. Bitches qu'a mal parlé, mais nous pièces font l'aïe. Et si y'a des respect, qu'on carré present girl. Nous qu'a prend yo pire les bandes en sol. Faut le money pour l'opot dans nous qu'a backside. Nous qu'a amusé, y'a pas j'ai gain pièce job. Dans nous rivières, un côté, y'a pas j'ai gain pièce flop. Nous qu'a prend yo pire les bandes en sol. Faut le money pour l'opot dans nous qu'a backside. Nous qu'a amusé, y'a pas j'ai gain pièce job. Dans nous rivières, un côté, y'a pas j'ai gain pièce flop. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. On est toujours branché sur Trace FM. Ce soir, il y aura de la Yoshistrophe. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie encore, Yoshi? Eh ben écoute, on va parler de mon ex, ou plutôt d'une de mes ex. Mmh, on a tellement. Pas mal de problèmes. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'es sorti avec elle? Parce que quand je suis sorti avec elle, j'avais pas connaissance. Pourquoi tu es sorti avec elle? Je te demande pas pourquoi tu l'as quitté. Tu n'as jamais commis d'erreur jusqu'à présent, toi? Moi, jamais. Tu es toujours sorti avec des filles super clean du début à la fin. Toujours. Mais oui, bien sûr. Pourquoi tu es sorti avec elle? parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Pourquoi tu es sorti avec elle? Parce que je la trouvais jolie, parce que voilà. J'étais amoureux et voilà. Voilà, il faut se méfier du physique. Elle avait des grosses fesses. Des grosses seins plutôt, je pense. Non, les deux. Alors maintenant, pourquoi tu l'as quitté? Parce que elle me donnait des problèmes. Tu vas pas rester avec quelqu'un qui te donne des problèmes, ça me semble logique. Si elle a de grosses fesses et de gros seins, tu peux rester avec. Oui, mais la taille de ses fesses et de ses seins n'était pas proportionnelle au problème qu'elle m'apportait. Donc tu vois, le. Ah voilà, il commençait à avoir un déséquilibre. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'elle te faisait? Comment ça, qu'est-ce qu'elle me faisait? Eh ben écoute, j'étais emprisonné dans une bulle, une vraie bulle. Et elle voulait tout contrôler, tout ça, et voilà. Ça me convenait pas, c'était pas mon mode de vie. Mais il y a un truc en particulier qui s'est passé, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Ouais. Et d'ici là, on se demande toujours où est Yannick, hein? Sabri, t'as des infos? Moi, de qui tu parles? De Yannick! Yannick. Mais oui, Yannick, le gars qui a une coiffure au gel, qui est machin. Ah, bah c'est toi ça! Non, mes cheveux sont plus longs. Non, mais quelqu'un l'a appelé ou pas? Parce que vous êtes tous là en train de demander où est-ce qu'il est. Moi, c'est ça! Personnellement, j'ai pas posé la question, donc si vous inquiétez vraiment, appelez-le, envoyez-lui un message quoi. Bon, mais on l'appelle Keshi. Ou Yoshi. Quelqu'un appelle Yannick quand? Oh non, les gars ont l'air motivés. Tu fais quoi là? Il appelle. Ah ouais? Ah d'accord, j'avais oublié. Je suis pas pressé. Ça sonne là. Ça n'a pas allé, hein? Le téléphone non plus n'est pas pressé. Yannick, il entre à CFM. Merci de laisser un message. Ah bon? Bon bah on va réessayer tout à l'heure, un petit coucou au passage. Mais attends, je salue les gens qui viennent, frère. Il y a Célia qui se branche avec nous sur Twitter. Il y a Little Mum également. Il y a qui d'autre? Ouais, Little Mum. Bonsoir la team. Bah salut Little Mum. On rappelle Yannick. Tu as vu que tu as le temps de lire les messages et il a toujours pas rappelé. Ouais frère, on sait pas où est Yannick au fait. Est-ce qu'il est juste en retard ou est-ce qu'il nous a quitté? Pour un monde meilleur. Il va jamais nous quitter. Il nous aime trop. Bonjour. Qu'il entre à CFM, merci de laisser un message. Il nous aime pas assez pour nous répondre en tout cas. Keshi rappelle. Il faut te dire ça à chaque fois. À un moment ou à un autre, il va falloir y aller. Ah. Je fais bien. Bah Yannick, c'est bon, il est un peu en toi. Hein. Mais non. Tu rappelles là encore? Attends, je vais lui envoyer un message. Vous êtes pas sérieux? Bon, Yannick, il est en train de faire. Merci de lui faire un message. Bon, si vous savez, vous, chez vous, où est Yannick, on vous attend. Hashtag G97, hashtag TraceFM sur Snapchat aussi. C'est TraceFM 97. D'ici là, on enchaîne avec quoi? On va se caler un petit peu de hit là. En attendant que Yannick arrive. Yes. Tu envoies de la musique alors que Yannick est toujours pas là? Bah oui, ça va lui donner le temps de se garer s'il est en bas, je sais pas. Tu as bien raison, vas-y, on voit la musique. Alors, on va s'écouter Drake, Whisky des Kyla, c'est One Dance dans la Trace Yadro. Maman, la Trace Radio, c'est mieux. Une fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live. Une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos trace.fm. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Les forfaits No Limit, R et R Absolu, tous les forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Un forfait R Absolu 500 mégas à 19,95€. Ça vous tente? En plus, le nouvel Alcatel Idol 4 avec son casque de réalité virtuelle est à 39€ et le Samsung Galaxy J5 édition 2016 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre sans mobile, valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois, voire conditions en point de vente. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans les limites des stocks disponibles, pour votre santé, bougez plus. Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien.

Génération 97. Génération 97. Génération 97. Le soir, pendant 3 heures, prends le pouvoir sur Trace FM. Et sur Trace FM, ce soir, il y aura du signal qui va retentir, il y aura du double hit pour gagner votre paire de Air Max. C'est quoi déjà les deux sons, Sabri, tu te rappelles? Alors le premier, c'est 7 hits. Ouais. Non. Ça t'est. La deuxième, c'est quoi? Un dab. Choki, mais c'est Akaïna. Un dab. Bref, dès que les deux sons retentissent l'un après l'autre, vous nous appelez 0820 203 200 et vous repartez avec votre paire de Air Max à votre pointure. D'ici là, il y a du canular qui se prépare. C'est Evric qui nous rejoint. Salut Evric. Allô. Bonsoir Evric. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, oui, on t'entend. Comment tu vas, tonton? Ça va, moi je suis là. Hein. Ouais, tu appelles de Capester, tu as 18 ans, tu aimerais piéger qui, toi, dans un canular? Ben là, j'aimerais piéger ma sœur de cœur. Ta sœur de cœur? Ouais, les sœurs de cœur, on connaît. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça devine. Keshi a eu plein de sœurs de cœur. Oh non. Alors déjà, quand tu veux donner une explication, tu donnes la tienne. C'est pas ça du tout. C'est vrai? On verra d'ici. Mais si tu es tellement méfiante, alors toutes les meufs qui sont autour d'un mec, c'est forcément des proies potentielles. À chaque fois que Keshi me présentait une sœur de cœur. Tous les mecs ne sont pas les mêmes. Moi, je suis pas comme Keshi. D'accord. Ok. Défends-toi, Keshi. Comment ça, donc, on n'est pas comme moi? Ça veut dire quoi? J'ai des sœurs de cœur, point, il n'y a rien après. Et ah bon? Tu peux dire ça de toutes les sœurs de cœur? Mais il y avait quoi avant? Rien du tout non plus. Keshi, tu es sûr? Il veut pas faire un canular, pourquoi on s'occupe de moi? C'est pas moi l'important, c'est pas moi le sujet. Hein. On fait un canular, les gars. Donc, Evric, tu veux qu'on piège ta sœur de cœur? Oui. Tu veux qu'on lui fasse quoi? T'as un scénario déjà prévu ou tu veux qu'on s'occupe de réaliser tout le truc pour toi? Non mais franchement, si tu lui donnes le choix. Non mais t'as pas une piste, je sais pas, tu voudrais quel genre de canular? Ça, lui c'est faire, l'antio guyanais. Tu veux lui faire peur, tu veux la faire rire, est-ce tu veux quoi que tu veux que je fasse tout pour toi? Mais oui. La faire rire. Ok, qui est-ce qui se penche sur le scénario? Pas moi. Bon d'accord, quelqu'un d'autre. Ok, on prépare ça, Tibi. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. 0820 203 200, si vous avez des petites idées, vous aussi. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Et sur le Snapchat, c'est quoi le Snapchat, Yoshi? Et dis-lui de pas te poser ces questions-là. Tu ne me poses pas ce genre de questions. Tu sais très bien, en plus. Mais tu l'as déjà alimenté, le Snapchat. Moi? Non. Mais oui. Non. Il est mort de faim. Bref, c'est Trace FM 97, on va vous poster des petites stories. D'ici là, il y a Tijou Sound qui se met au platine. Tu es prêt ou pas? Ouais. Quasiment? Vas-y. Envoie un scratch parce qu'on est pas sûr. Attends. Ouais, vas-y, Tijou. Et tu l'as. Maman. C'est bon, Tijou Sound au platine, vas-y, lâche ça pour nous. Ah, tu me fais croire que tu es prêt et puis en fait non. D'accord. Tu vas nous jouer quoi? Il y aura du Taiga dans la prog? Du Taiga et puis vous aussi vous réclamez ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Voici Taiga avec One of One sur Trace. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one-on-one, I wanna go one-on-one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it, they'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one of one. I wanna go one on one with you. Take the thug in me and put some in you. Rocking your man's flannels, flight to Dubai, got a pop of Zen Zen. This is how I'm gonna need a game. You're not gonna be going all night. Though I have to say I love you. Hey! This is how I'm gonna need a game. You're not gonna be going all night.

Plus I am call her worse. Them friends say the relationship poor. As him talk and turn him back, she a link up over boat more. The life is stop. Say him a go chop, say him a go shoot, say him a go shot. Pop gone a the only man she want, the only man she want. Yeah, yeah. She cheap, say him a go cheap, say she a go weak, say him a go beat. But me a the only man she want, the only she man he want. Me have everything for you. Problem, y'all, me can't help you to solve them, y'all. Me a one of the good, good wife, you a one of the skettle from them, y'all. Remember me no idiot, y'all. Pull your ring finger, you feel free that, y'all. When you see me, you look at a real ad, y'all. And if a dollar's the man, give me that, y'all. Cause him and the room made me have the right wine. So him a fi sleep on me all the night time. And every new day when me wake up, me a fi say, man, in me lifeline. Me a the wifey. Me no in a no long talking. Say that I can never keep the money, no. We have everything for you, everything for you, everything for you, everything for you, everything for you, everything for you, everything for you, everything for you, everything for you. Can you miss all met? Get this one straight. Say are you married? No matter how them get, they can take you any debt. Give you anything, anything, anything. For the bed, first thing, early money, medicine. You want me everything, everything, everything. No woman to me, you mean everything. Libre antenne des Antilles-Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820-203. Sur Trace FM, un petit coucou à Brandon qui big up Tijo Sound. Bah gros big up Tijo. On va faire un petit tour du côté de Cocoland tout à l'heure. C'est les cocoteurs qu'on va appeler. Tous les soirs, on les chauffe. En fait, on s'est créé un faux profil sur les sites de rencontres. Un profil d'une belle meuf et tout. Donc on chauffe les gars et après le soir, on les appelle à l'antenne. Et ça donne des trucs comme ça. Là où tu es en ce moment, je serais venu t'en faire d'un cul de plat. Ça c'était hier soir, tout à l'heure on va appeler un autre cocoteur. D'ici là on fait un petit point sur Yannick. On a des news de Sabri, il a envoyé une géolocalisation je crois. Moi j'ai pas reçu. Mais si, près de l'aéroport. Mais je t'envoie ça, on va vous mettre ça sur le Facebook. Si vous avez des infos pour nous aider à retrouver Yannick, hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200. Attends. Vas-y dis-moi. Parce que le mec t'envoie une géolocalisation. Ouais. Mais il l'a envoyé dans le groupe hein tonton, tu es dans le groupe. Il t'envoie à toi une géolocalisation en prenant comme excuse le groupe. Mais ouais, et pourquoi ça. Il ne répond pas au téléphone? Je sais pas. Ça, c'est la grande question. Et pourquoi il n'est pas là? C'est ça. C'est la deuxième grande question. Ouais. Et quand est-ce qu'il arrivera? C'est la troisième. Est-ce que c'est juste un retard ou est-ce que le gars a disparu de la circulation? Vous avez pas des idées? Oui. Moi, je pense... J'ai une hypothèse. S'il se trouve actuellement près de l'aéroport, c'est que actuellement, en ce moment, en fait, il n'est pas dans le studio. Alors, je pense qu'éventuellement, ça pourrait mettre en évidence son absence. Mm-hmm. Mais en même temps, du fait qu'il ne soit pas là, ça peut vouloir dire qu'il n'est pas présent. Merci, merci Sabri pour cette analyse. En tout cas, il a envoyé une géolocalisation, il est près de l'aéroport, donc on va suivre ça la soirée, hein, s'il arrive pas avant. D'ici là, c'est les Breaking News qui arrivent. On a quoi ce soir dans les Breaking News, Nessie? Ben, on va parler de la nouvelle interdiction, enfin du moins la préconisation. On doit porter des gants obligatoirement maintenant, lorsqu'on est motard. À moto? Ouais. Mmh. Ne pas laisser ses empreintes sur le guidon. Oui, exactement. Mais non, mais n'importe quoi. Oui. Non, c'est pour ça. Et puis on va parler de Brad Pitt aussi. Ah ouais, ah, j'ai vu, il y a une rupture là. Moi, je suis plutôt contente. Tu es contente? Pourquoi? Tu as pas déjà un copain? Si, mais bon, tu vois, ça fait plaisir. C'était en attendant. Il est toujours sur le marché. D'accord. Il est de nouveau sur le marché. Oui, mais voilà. Attends, mais le truc que j'ai pas compris, c'est... Ils sont ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Non, ouais. Plus que ça, enfin. 13 ans. 17, ouais, 13. Ouais, c'est ouais. Toujours plus d'une dizaine d'années, les gars. Oui. Ouais. Ils se sont mariés il y a 2 ans. Mm-hmm. Et ils divorcent maintenant. Ouais. C'est ridicule. Justement, le mariage, c'est à bannir, hein, on dirait. Bon. Il y a quoi d'autre dans les Breaking News? On va parler également du djihadiste que nous aimons tant aux Antilles Guyanes. Que nous aimons tant. Tu aimes les djihadistes. Mais c'est ironique quand même. Vous avez compris ça aujourd'hui. Non. Et par les temps qui courent, il y a des gens qui comprennent pas les blagues. Donc tu leur expliques. Bon, bah, je ne pensais pas. C'est logique. Ouais. Oh là là. Et on va parler quand même les sites sur lesquels tu traînes. Et on va parler d'une alerte à la bombe au Canada. Voilà. Aïe. Développe un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ben, on a évacué pas mal d'établissements scolaires. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, c'était une entrée en matière ou on fait vraiment les briques? Non, tu fais les titres et les Breaking News. Ah, mais non! Si tu lui demandes de quoi on va parler. Ah, ben oui! Sinon, j'aurais parlé de tout. D'accord. Bon, alors, donc, on c'était recommence. Juste une petite entrée en matière. Reset. Oui. Reset de cuisine. Ah, attends, j'ai un bruitage. On recommence? Vas-y, on recommence. Ok. Avec la musique, quand même. Attends, 3, 2, 1. Vas-y. Alors, le port des gants devient obligatoire pour les motards depuis hier. Et les passagers devront en porter également sous peine de verbalisation. Et cette mesure concerne également les tricycles, les quadricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs. Les tricycles? C'est les vélos. Mais il n'y a pas que les vélos pour enfants qui sont des tricycles, les gars. Ah, les tricycles à moteur, tu m'as oui, fait et peur. Le quadricycle à moteur aussi. D'accord, donc les quads. Tout ce qui est à moteur. Ok. Deux roues à moteur. J'ai une question, les tricycles, ça veut dire il y a trois roues. Oui. Mais quand il y a. C'est pas les vélos pour les enfants là quand on apprend. Mais non, t'as des motos qui ont deux roues devant, une roue derrière. Merci. Ah. Merci. Tu sors de chez toi des fois? C'est la minute du deuxième stagiaire. Alors Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. C'est Angelina qui aurait demandé le divorce. Elle réclame la garde des six enfants. Et elle lui laisse quand même des droits de visite. Après 12 années passées ensemble, c'est la fin du Brangelina. Et Brad Pitt lui a dit ok, d'accord. Ah oui, là c'est bon. Je quitte les Antilles Guyane et je vais rejoindre Brad Pitt. Continue. Ouais, il y a quoi d'autre? Il y a un syndicat qui a demandé le départ de Rachid Rafa. Alors Rachid Rafa, on resitue, c'est le djihadiste présumé. Que tu aimes tant. Et il est à Ducos actuellement. Hein. Ouais. Il est dans le centre pénitentiaire de Ducos. Et il y a beaucoup qui voient cela d'un très mauvais œil et qui veulent justement qu'il sorte d'ici. Voilà. Qu'il parte vraiment de la Martinique. On file au Canada. Oui. Alors au Canada, il y a une soixantaine d'écoles et d'universités qui ont été évacuées en raison d'une menace selon les autorités. Il était question en fait d'un colis suspect et il y a une alerte à la bombe qui aurait été annoncée dès le matin. C'est pour ça que tous les établissements ont été évacués. Ok, la rentrée vient d'arriver, les mecs ils veulent déjà être dehors quoi. Ça doit être ça. C'est tout? On a fait le tour? Oui, alors on pourra parler un peu plus tard si tu veux d'une invention très ingénieuse. Ah, oui. Un petit indice? Bah, c'est surtout pour les agriculteurs, les gens qui ont des poules chez eux. Ah, Yoshi, c'est pour toi ça. Moi, non, oui, c'est pas plus. J'ai pensé à eux. Voilà. Tu as une poule chez toi, on va te faire part d'une invention qui va révolutionner ta vie. Voilà, donc ce sera pour tout à l'heure. Ok, d'ici là, on se demande toujours où est Yannick. Il y a Brandon qui pose la question. Bah écoute, on va se renseigner. Il y a une géolocalisation qui nous a envoyé. On va la poster sur les réseaux sociaux. On verra s'il envoie des photos, des vidéos dans la soirée. D'ici là, c'est à DJ Tijo Sound qui reprend les platines sur Trace juste après ça. Génération 97. Le soir, prends la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appelle et exprime-toi en direct.

0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. 3 heures de libre express. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque, débarque au 0820 203 200. Menir si yon notre planète. Ou au fait, moi j'ai ya ou confiance à ou confier moi les manettes. Moi qu'à promettre vous d'être honnête. Chantez bar baby, coucou honnête. Et l'heure de minuit, nous qu'est disparaître. Pourrait trouver nous tous les deux en toute intimité. Parti n'a yon qu'à poster si internet. Somme de gosse, somme de se ram, pam, pam, pam, ragadagadang, spring, bam, badadang. Explosion qu'on suit ce big bang. Moi et mes autres, ils me plissent chaque minute, chaque seconde. Take it, yeah, baby. Sans du feu, ouais, jeunesse en nous, bisez, rempli, poussé. Ça nous s'y met, nous récolter, nous ni ça nous mérite. Oh, j'avais un papier, mon gros, qui n'est qu'à pousser. Ça tellement plus facile, j'étais faute, merci les autres. Mais nous pas qu'à vrai, ça quand j'engue des autres. Anti-monde, c'est un livre blanc, croyez que si ça ouvre l'idée, mais maman et papa prend garde, les tiens, mais petit à ouais, des mains. Pas j'ai oublié que c'est jeunesse qui espoir, ouais, des mains. À pas bon côté, ça qui mène, et nous, ça qui plie, à chez mon jeunesse. Qu'on m'a qui vide, qu'on fout au j'ai moins essayé de nous. À bon côté, ça qui mène, de nous, ça qui plie. À je continue sans nous. Dégène, qu'on m'a qui vide, qu'on fout au j'ai moins essayé de nous. Pas laisser maman tout seul, me réveiller, lever tout seul. A des pas facile, la faute, il ouvre tout seul. Oui, papa disparaît, donc éducation mal faite. Maman, j'apprends, Si ou ka échoué, man, mina ou espon fidat. Et si man dwe ou déblot, la tout de mouen kat hypocrite, faya bundat. Faya bundat. Se me ki toujou fè ou pa chauffe en patat. Si ou ka échoué, man, mina ou espon fidat. Et si man dwe ou déblot, la tout de mouen kat hypocrite, pire qui vermi. Ka propage kon rat. Y toujou en bas fè, y a rien, y pa karate. Ou de belle Fiji, mais l'esprit a cad. Pour y plaire, bah tout moun, parce qu'elle m'a pas raté. Yo balé à cibé, acta yo. Faut cacher yon l'or, plutôt dit que c'est pas yo. Bon service, vous avez mal d'eau. Attends-moi, Fiji, puis le yo. Sex bomb, sex with an ex, or with your lover. For the only time or the first time. But why believe me? Mwen pa ka wake devil. Mwen ka wake father God. Mwen ka fè tout bet pou rive paradise, yeah. Du fait ki mwen pa le deal ki devil. Tous les jours mwen ka rise up mwen Bible. La Guyane mwen get run fi people la. je mon cabas up the big tonight. Pour mon tilagia, aïe. Même si mon parfait école de music, mais adoré mi va seul qui l'a. Pas pire quand ça va être à la fête. Tout bête clean, l'amour a fait mon affaire. Et puis, pas de boussillon, le gars jaloux pour rien, mais fada. Automitant qui l'a, tout bouge quand tout est fait, sexe pour place, migale. Intelligence pour tout mira. Laini la Jay en caterpillar. Il a en bas soleil, en bas la pia. Les bagailles chaudes, les finances en main au biba. Pendant Eteuse qui a fait au bia. Posé par leur mec à Bouekonia. En bas les checks, moi d'autres mamzelle. Avec elle, j'suis dans ma bulle, ciel couleur pastel. Madame s'est attachée son cabrion, arrêté check ex moi ouais, fallait bien que ça se termine avec elle. Tout est possible, mais tout ne m'est pas fermé. Solide jusqu'à l'ernie, même en temps de zère, mais via nous peut pas ternir. It's all about you and me, pas qu'à coûter zami, on nous garde fond des familles. That's why me tell you say, girl. En bas les check pour notre mamzelle, avec elle, j'suis dans ma bulle, ciel couleur pastel. Maintenant pour les 11, préfère rouler ma peine. J'suis marié à la street, yeah. La vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a R. Monde de gros, y'a nous et y'a eux. Harissime comme un négro oscarisé. J'vais les traumatiser. Dans la tête, lumière tamisée. J'arrive à viser. Prends mes bracelets gris métallisés. Lyrix majeur, public avisé. Est-ce les tapinés sont validés. Y'a qu'à Disney que les races sont animées. Tout est noir. Bang, sweet it girl. Dance with it girl. Get with it girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Gotta move it along. Gotta do my hair. Put my makeup on. Sound, hashtag G97, hashtag Trace FM. Vous choisissez ce qui vous diffuse maintenant, lâche pas ça maintenant. Tu en gardes un petit peu pour tout à l'heure. Somebody say Génération 97. Pendant 3 heures, c'est nos limites, zéro censure, zéro censure. Génération 97. Eh ben, ça qui fait hein. Tout à l'heure on va appeler avec la voix de Kalash. On va jouer au Hey Baby Allo. C'est quoi le principe, Sabri? C'est que tous les soirs, ben Kalash t'appelle 0820 203 200, tu nous laisses ton numéro et c'est Kalash qui te rappelle. Hey baby, allô. Ouais, hier on a appelé une pizzeria, ça ressemblait à peu près à ça. Connais plus à mon sang. Hey baby, allô. Connais plus à mon sang. Allô. N'ai pas pu me retenir, je sais. C'était ça hier soir, on va rappeler tout à l'heure, on va appeler des inconnus. Non. Ah, on va appeler des connus, on va appeler qui le connu. On va appeler des gens connus par les gens qui nous ont laissé les numéros. Ah. Eh ben oui. Mais vous aussi, laissez-nous votre numéro. Ils sont pas connus. Sur Facebook, Trace FM en message privé. Il y a Little Mum qui s'inquiète. Elle se demande si Yannick a pas quelque chose de grave. Vous en pensez quoi? Non, ouais, mais je non. Je commence à m'inquiéter moi aussi. Non, si c'était grave, il nous aurait appelé. C'est juste un tiroteur. Mais non, quand c'est très grave, tu peux appeler personne. Imagine, tu es dans un endroit où tu peux pas appeler, il y a pas de réseau. Alors, vous allez inquiéter les gens comme ça. Il a pas de réseau, mais il envoie une géolocalisation. Monsieur Ned, dans un plan coquille. À l'aéroport. À l'aéroport avec une hôtesse, qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ou peut-être avec un pilote d'avion. Mais ça ne te regarde pas. Tu crois qu'il est comme ça? Je crois. Alors, on va faire un sondage. Ouais. Est-ce que vous pensez que Yannick est actuellement avec une femme? Moi? Donc c'est pas toi que je pose la question. Ah d'accord. Je croyais que tu faisais un tour de table. Et puis tu peux pas dire oui alors qu'à l'instant tu me dis non. Il est certainement avec sa maman, c'est possible, ça peut arriver. Yannick voilà. Avec sa maman. Mais oui, ou sa mamie, sa grand-mère, il aime beaucoup sa grand-mère. Tu es trop fleur bleue, Nessie, arrête. Ah, tout à l'heure, on aura un auditeur d'ailleurs qui a aperçu Yannick. On l'aura en ligne au téléphone. D'ici là, on est en mode canular avec Evric. Allô, Evric, tu es toujours là? Yo, yo. Non? Alors, c'est ta sœur de cœur. Tu veux piéger ta sœur de cœur. Est-ce qu'on a un scénario? Sabri, tu as cogité là-dessus ou pas? Oui, j'ai cogité là-dessus, mais il y a surtout Yoshi qui a cogité là-dessus. Alors, on est sur un fight, là. On a deux possibilités de scénario. Yoshi, on t'écoute. Alors, moi, je proposais qu'on se fasse passer pour une agence de mannequinat étrangère, genre russe ou quelque chose comme ça, avec un accent bien prononcé. Ouais, parce qu'il faut préciser qu'elle travaille dans le prêt-à-porter, la sœur de cœur en question. Et en fait, je me demandais si c'était pas bien qu'on lui dise qu'on cherche une personne avec un profil différent de ce qu'on a l'habitude de voir, en fait, dans les médias. Tu insinues qu'elle est pas jolie? Et c'est pas ce que j'ai dit. Mais va au bout de ta pensée, tu veux dire quoi? Toute personne à sa beauté est et cachée. Mais que dans attention. Le contrat... Attention, pourquoi? Vas-y, dis-nous. Pourquoi attention? Elle se vexe rapidement. Parce que quoi? Moi, je cherche une solution. Elle se vexe rapidement. Ah, non, t'es et si elle se fâche, qu'est-ce qui se passe? Mais le canular est réussi. Elle est assez de... Elle joue toute sa famille. Dans notre... Tu sais que quand on fait un canular, c'est un peu le but visé. Que personne s'énerve et qu'elle nous insulte. Et après, on lui dit c'était une blague. Et là, elle fait ah non, pourquoi vous nous avez piégé? Oh là là, c'est quelle radio? C'est Trace FM. Ah non, c'est Trace FM. Ah, je passe en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Oui. Et c'est qui est-ce qui m'a piégé? Eh ben, c'est ton ami Emric qui est secrètement amoureux de toi. Non, tu es sûr de ça, Emric? Non, j'ai avancé comme ça, c'est. Alors, tu auras le choix entre deux scénarios, ce scénario-là ou sinon il y a celui de Sabri. T'avais pensé à quoi, toi? Une invasion extraterrestre. Des extraterrestres viennent de débarquer. Ils sont arrivés à Basse-Terre. Mais elle va pas y croire, ça. Ils ont quitté leur planète. Ils ont fait de nombreux kilomètres, de nombreuses années-lumière. Ils n'ont pas traversé la galaxie pour rien. Non, ils veulent se reproduire. Elle est la candidate idéale. Et ils sont nombreux. C'est bien vendu, c'est bien vendu. Evric, tu penches pour quoi, toi? L'agence de mannequinat ou les extraterrestres? L'agence de mannequinat. Ah oui. Aucune imagination. Tu veux... Allons au cinéma. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir un film français ou un film américain avec des extraterrestres? Film français. Il y a des films français qui sont mieux. Ouais, bah oui. Bah, bonjour, ouais, ouais. Allons voir Intouchables, les gars. Allons voir... Il y a des effets spéciaux de ouf. À un moment donné, le mec, il tourne la chaise et la chaise avance. Yes, on va faire. C'est toi qui décides, c'est toi qui commandes. On va faire exactement ce que tu nous as demandé. Ok. Plutôt l'agence de mannequinat. Du coup, t'as le numéro, Kishi, on l'appelle maintenant ou on attend un petit peu? Maintenant. Bon, ben allons-y. Okay. Tu composes. Comment elle s'appelle, ta sœur de cœur? Ma chérie, elle l'appelle. Océane? Non. Comment elle s'appelle? Océane. Ah d'accord, okay. Bah, c'est bien ça alors. On appelle Océane. On lui fait un petit canular. Elle travaille dans le prêt-à-porter. On va se faire passer pour une agence de mannequinat qui a des critères un petit peu spéciaux. Ça sonne? Je passe. Ça sonne en silence quoi. Tu peux composer un numéro s'il te plaît? Attends man. C'est pas pressé man. Ah ça. Tu peux refaire. Voilà. Et là, tu composes le bon numéro. Et prends ton temps. Il y a un indicatif à mettre devant. Ah bon? Parce que quand la personne te dit 22, 33, 17, il y a 0, 6, etc. 90, puisque c'est en Guada. C'est en Guada? Ah, tu as appelé le. Bah, bah vas-y, mais bien sûr. Elle habite à Basse-Terre, mais fais le 0694. C'est sûr que ça va. Il y a quelqu'un qui va décrocher. Elle peut habiter à Basse-Terre et. avoir, et puis avoir un numéro de Guyane. Oui, oui, c'est logique. C'est logique, Keshi. Oui. Si c'est important. Et au lieu de polémique, tu peux composer un numéro, s'il te plaît? On compose ça, tout à l'heure il y aura aussi des Air Max à gagner. Dès que vous entendez 7 titres de Cécile enchaîné à Yuji, Dance For Me, vous appelez et vous repartez avec vos Air Max à votre pointure. C'est pas encore tombé aujourd'hui le double hit, il y en aura un forcément ce soir. C'est, on appelle Océane d'ici là. Tu en as chez toi des Air Max ou pas? Ah bah oui. J'ai deux paires. Eh ben, tu es fier de ça? Toi tu n'en as pas, hein. Ça, tu vas aller en crossfit avec ça? Non. C'est pour aller au cinéma ou... Ah, c'est pour le style, en fait. Chaussure le style. Voilà. Non, j'ai pas envie de faire du sport avec. Elles sont roses. Elles sont trop belles, oui, c'est ça. Il y a des roses. Tu sais, lui, il se moque, mais il aimerait tellement en gagner. Il aimerait tellement gagner les chaussures. Des Air Max. Oui, tu aimerais bien. Mais non, pas du tout. Je sais pas pour ça que je fais des gens appeler demain. D'ici là, on essaye aussi de retrouver Yannick. On vous a posté la géolocalisation sur la page Facebook Génération 97, relayée sur Trace FM. Il est près de l'aéroport apparemment. Pendant que tu parles de WhatsApp, vous avez reçu la photo là avec le mec qui a sa voiture à vendre. Ah oui, excuse-moi, il a écrit à vendre. J'ai mal prononcé, excuse-moi. Il a sa voiture à vendre. À vendre. Ah ouais, faut qu'on l'appelle lui. C'est clair. Et il y a son numéro en plus sur la vitre arrière. Il a une petite Clio à vendre, il a écrit A-V-A-N-D-E, c'est ça? Ouais, je pense qu'il a oublié le I. Allô? Allô? Alors, si tu prononces pas son nom, peut-être qu'elle va être effrayée. Mais non, mais il y avait rien. Mais c'est pas parce qu'elle s'est dit, oh mon Dieu, c'est un serial killer qui m'appelle! Ou un extraterrestre? Ouais. Ah, tu vois! Bon, on va essayer tout à l'heure. Un petit coucou d'ici là à Ashley qui se connecte. Il y a également Célia et Magical Chris qui est là, clarinette également. Elle se demande elle aussi où est Yannick. Mais on revient avec des infos sur Yannick. Il y a un auditeur qui va nous appeler tout à l'heure pour nous donner des infos en live and direct sur Trace. D'ici là, on se cale un petit conscience avec Break Off sur Trace. I got all of... Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, bend over. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, who you are ramp with? On a game, anytime you're ready, girl. Let me name. The place get wet like in a rain. Then I make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the art. Baseline sweet and I touch the spot. Dancing, she love to that. Girl, coach the chat. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, girl, your body hotter than a sundown. You make me turn up at attention. You pretty like the melodies in a me song. You say cooking while your mother kill you, make your body drop. Girl, any problem you got, I woulda fix it. And when you dance to me song, it turn a big hit. Bop like a drum on a beat. It's your tight like a secret. So you feel wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Why this make you feel like though? Why you feel? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, you feel mine till you broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Yeah, yeah. Ladies, I'm here. I'm here. Trace FM Conscience avec Break Off. Bienvenue si vous débarquez maintenant. Trace FM. Trace. Génération 97. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0800 22 103 200. Si vous voulez nous joindre, on a Ashley qui pense que Yannick a pris l'avion. Il s'est cassé dans un autre pays. Maman, pourquoi il aurait fait quel ça? Quel pays? J'aimerais bien savoir. Pourquoi tu aurais fait? Tu nous aimes pas? Bah écoute, si le gars a les moyens de s'échapper, frère, mais qu'il en profite. Oh là là. D'ici là, on va appeler quelqu'un qui a mis une petite annonce pour vendre sa voiture. Sauf que vendre, il a écrit vendre, V-A-N-D-E. On compose le numéro. Qu'est-ce qui va parler? C'est moi. D'accord, tu te fais passer pour qui? Un agricole? Un agricole. Mais non, mais vendre, j'ai pas dit un agriculteur. Il y a une différence. Quelqu'un d'agricole. C'est encore plus pire. C'est toi qui as écrit l'un des petites annonces sur la voiture, c'est non? C'est ça. Peut-être, ça se pourrait. Je sais pas ce que t'as déjà composé. Ça dit quoi? Tu as appelé où là? Tu as appelé où? En Vendée. C'est logique, pour une fois c'est logique. Le gars écrit à Vendée, tu appelles en Vendée. Il y a Little Mum qui pense qu'il a fait un bug, en fait il a mélangé vendre et viande, donc il a fait vendre. Il va vendre sa voiture ou quoi? Pourquoi pas? Et la blague que j'essaie de faire tout à l'heure. C'est quoi cette messagerie là? J'ai jamais entendu ça. Hein, votre appel. La messagerie du futur. Elle s'est fait bouffer par un extraterrestre. On va rejoindre Thomas tout à l'heure aussi, qui a des infos sur Yannick. Il l'a vu près de l'aéroport, il va nous en dire un petit peu plus. Il s'est fait enlever par des extraterrestres. Rien, qu'est-ce que tu as avec les extraterrestres? Ils nous attaquent, ils sont parmi nous. Mais ils sont gentils, hein. Oui, c'est ils sont ça. Pas forcément méchants. Eh oui, tu es certainement infiltré toi aussi. C'est eux. C'est ça, c'est pas un extraterrestre, les gars. Bon, bah tant pis. Hein. Tu on fait quoi? On lui laisse un message. On se calme une petite session de mix. Allez. Attends, le DJ allongé dans le canapé. On réessaye une dernière fois. Yes. On appelle la voiture avant. V-A-N-D-E. Le gars aurait pu mettre ça sur sa plaque d'immatriculation. Bon, vas-y, c'est pas grave. Hein. Ouais. On va faire ça tout à l'heure. Un petit coucou à Nathan qui envoie un petit cœur à Nessie sur Twitter. Eh ben, oh, c'est gentil. Tu as tes admirateurs. Oh. Il y a Stéphane qui est là aussi, qui dit ne vous inquiétez pas, Yannick achète le jet privé de Trace. Cra, cra, cra. Bon, DJ Tijo, tu es prêt? Ok, tu vas commencer. Il y aura quoi dans ta session? Tu peux caler un petit gift à Line de Mire? Ok, ah, ça marche. Mais on se fait ça juste après ça sur Trace. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. Envie d'un nouveau smartphone, et du bon son qui cartonne. Alors abonne-toi tout bonnement à une offre d'enfer. Le forfait ça fait bailler ses fers. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour 1€ de plus, t'auras l'enceinte Bluetooth, la célèbre Disco 4. Forfait ça fait bailler ses fers, c'est l'éclate. Dans la limite des stocks disponibles, kit main libre recommandé. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre pour toute nouvelle souscription en portabilité au forfait SAPE by SFR. Prix en formule Silver, engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Buy signifie part. Samedi 1er octobre, 19h30, au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Venez soutenir la deuxième édition du concert solidaire Drépaction. Avec le groupe MKG, Orlan, Easy Kenenga, Dacha, Pompis, Dominique Lorté, Johan, Jean-Marie Ragal, Leila Chico, Jean-Philippe Martelly, Médicustos et bien d'autres. La drépanocytose, c'est affaît-nous toutes avec l'APIPD. Renseignements au 06 196 30 51 53 et 06 59 14 18 62. Samedi 1er octobre. Nous qu'à attendre Zot. Billets en vente à Ingrid Boutique La Galeria, Fiesta Biz, 25 boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France, Station Vito, Belle Étoile à Sainte-Marie et sur moneypass.com. L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux? Un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances.

ennuyé qui poussille. Où c'est le moment qu'a bien ouais ben y'a chomaï. En cas j'ai excusez-moi, oui c'est divé qu'on criminel. Mais en cas j'ai qu'on fonde l'amour et puis y'a c'était animal. Gala you me love you and mine. Love la honey bah oui pas ni fine. En cas j'y vais ouais pas d'homme yo why no love pas d'homme. Bambé Bambé Big up T.J. Son, Big Bad DJ Hachim. Oh oh. Faut pas moller la mouta flasque et mon girl. Faut j'en savais qu'il y a no car on the world. Faut pas moller la mouta flasque et mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, qu'a baillot mal dead. Dis qu'a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des respect, qu'a represent girl. Y'a mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang y biché on point. Caribbean girl, I no car on the town. Chaque côté mon passé, mon toujours gangster. Bambi, y'a ça qui cap et t'es tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que de different sap. Chaque son, mon cassotti qu'a baillot different tap. Gang foki. Faut pas moller la mouta flasque et mon girl. Faut j'en savais qu'il y a no car on the world. Faut pas moller la mouta flasque et mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, qu'a baillot mal dead. Jeez, qu'a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des respect, mon car represent girl. Nous qu'a voyons bien les bandes inside. Full money pour l'opod dans nous qu'a bad side. Nous qu'a amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Nous qu'a voyons bien les bandes inside. Full money pour l'opod dans nous qu'a bad side. Nous qu'a amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Pour pas moller la mouta flasque, mon girl. Nous j'en savais qu'il y a le gars. Pour pas moller la mouta flasque, mon girl. Caribbean girl. Verse 1, listen. Sur Trace FM, la génération 97 a désormais son DJ officiel. C'est DJ Tijo Sound derrière les platines. Vous lui réclamez ce que vous voulez. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On vous attend aussi au standard 0820 203 200. Line up. Me have money in a Kyle, money in a bungle. Me have money at Tivoli, me have money at jungle. Money a laugh after me, that's why me can't humble. Money to give me mother and me one teeth uncle. Mm-hmm. My money, ha ha. My money, money, money, ha ha. Mm-hmm. Money, money, ha ha. Make teacher laugh out like a Santa. Ha, ha, ha. Me want me money, ha ha. My money, money, money, ha ha. Mm-hmm. My money, ha ha. Make teacher laugh out. Big girl, take off your clothes. Wine and go down like say that tunnel open. When we are wine, please don't mind if you find me a pull of one. Tonight me I go take your ass off you me I go take your ass off you me girl take your ass off you me I go take your ass off. Alright, Zebra, are you a soul like me? Tiger, you a soul like me? Zebra, are you a soul like me? Tiger, you really want soul like me? You crash off a bike like me. Wait a while, lock up in a drill like me. Zebra, you wanna wear tiger stripes like me? No, you wanna wear zebra suit like me. Half a a stage, you go spring like me. No, you want it all a sting like me. Yo! Every song, you go sing like me. The DJ can make back a fling like me. Seven. You go in a jail the first time. Yeah. The first time you commit the first crime. Yeah. Tell me how it go one more time. The people want to hear the story line by line. Alright. You go in at the go-go club. She. Me and the go-go in the Aruba do. She. But you want to take artists to scrub. So me push her in at the bathroom and take it out the tub. Bend back with you, make me show it in a you. Me tired of and I tell you what you can do. See how you fling it up, me want you fling it for me too. Girl, as you fling it up, me want to give it to you. Girl, my know you are when you put up. Girl, my know you are when you put up. Bend back with you, make me show it in a you. Me tired of and I tell you what you can do. See how you fling it up, me want you fling it for me too. Girl, as you fling it up, me want to give it to you. If you are real bad man, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. You are real gangster, raise your hand. This one is a real bad zone. Alright. If you are real bad man, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. If you are real gangster, raise your hand. This one is a real bad zone. Girl, just look for your man. Wine and go down. Wine like you never, never do. Pando man, man, look for your girl. Wine and go down. Show what you never, never do. Pando girl, girl, look for your man. Wine and go down. Wine like you never, never do. Pando man, man, look for your girl. Wine and go down. Show what you never, never do. Pando girl. Il s'appelle DJ Tijo Sound. Est-ce qu'il est pas chaud, DJ Tijo Sound? Ah ouais, trop chaud. Tu as mis Wendy dans ta poche. Allez, on kiffe total sur toi. Hein. Wendy, d'ici là, somebody say. Oh là. Génération le 7. Génération le 7. Le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. Sur Trace FM, on va passer un petit appel aux cocoteurs tout à l'heure. Les cocoteurs, c'est les gars les plus chauds du web. Je me fais passer pour une meuf sur les sites de rencontres et je les appelle le soir à l'antenne, ça donne ça. J'aurais voulu de temps en temps une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà quoi. D'ici là, on a du jeu qui va débarquer tout à l'heure, on va faire quoi ? Eh bien, on va faire... Tu dormais. On va faire le c'est qui, voyons. Il y a du cinéma à gagner, il y a des places pour Terry Riley aussi si vous êtes en Martinique. Ça approche, hein, la date, ce sera le 30 septembre au domaine de l'Oasis. Mais sinon, on a Thomas qui est au téléphone. Salut Thomas. Allô, allô. Thomas. Salut Yo. Thomas. Oui Thomas, tu nous Salut. Appelles, tu as des infos sur Yannick. Dis-nous tout, tu l'as vu, il était comment? Ouais, bah en fait j'étais à l'aéroport, au tapis. Et je l'ai posé une amie. Et là, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu de près, j'ai vu de loin. L'aéroport de Pointe-à-Pitre. Ouais, Pointe-à-Pitre. L'aéroport de Pointe-à-Pitre. Paul Caraïbe. Ouais, mais c'est pas tellement. Souvenez-vous que le djihadiste, on l'avait vu jusqu'en Guyane, même jusqu'au Brésil. Hein. Tout le monde l'avait vu. On l'avait vu en Guadeloupe, on l'avait vu en Guyane, on l'avait vu partout. Mais Thomas, est-ce que tu es sûr que c'est Yannick que t'as vu? Ah, ben oui, franchement, on le reconnaît de loin. Enfin, si. Enfin. C'est-à-dire quoi, il a une présence. Non. Ah d'accord, ok. Bah il fait quoi? Qu'est-ce qu'il ferait à l'aéroport? Je sais pas, mais en tout cas les gars, posez-vous des questions, parce que Michel avait une grosse valise. Hein. Ah oui, il va pas revenir. Pas mais maintenant en tout cas. Franchement. Mais non, mais peut-être qu'il a été récupéré quelqu'un. Tu vois, la période à laquelle on l'est là, c'est le bon time pour aller à New York. Moi j'aurais été lui, je serais allé à New York PPR. Est-ce que le gars est pas allé en Syrie, frère? Il avait une grosse valise ou pas? Ouais, une grosse valise. Donc à mon avis, il est parti pour un roman. Il avait l'air fatigué. Mais il était tout seul? Il est parti se marier avec un taliban, les gars, je vous dis. Quoi d'autre, Thomas? Je sais pas quel plan il vous a fait, si vous êtes au courant ou pas. Pas mais, du tout. Faux, hein. Je sais pas, vous avez des infos, vous? Non, pas tout. Oui, bien sûr. On a des infos, et c'est pour ça qu'on a attendu une heure et demie avant de te mettre au courant. Je sais pas, ça vous ressemble de faire ça en tout cas. Ouais, non mais là quand même la blague est grosse. Moi je pensais qu'il était en retard en fait. Mais là ça fait un gros retard. C'est plus du retard là, c'est une absence. Ouais, normalement quand tu arrives à 7h6 en cours de philo, on te dit bon. En permanence. Ah ouais, direct. Hein. Et puis le mot, il faut ramener le mot, le billet d'absence. Ah oui, j'avais mal au ventre. Le mot classique. Flash spécial, donc bref, on a découvert que Yannick était à l'aéroport Paul Caraïbe du côté de la Guadeloupe. Merci Thomas, si t'as d'autres infos, tu nous rappelles. Ah, et Thomas est plus là. Thomas, notre reporter. Ah bon, reste là, hein. On garde ton numéro. Si tu vois Yannick encore, tu nous dis, ok? Ah, pas de problème, mais yes. Je suis rentré chez moi là. Ok, d'accord. Moi pour, si besoin, tu retourneras à l'aéroport, c'est pas grave. Eh ben bien, le gars à ta disposition. Bah oui, attends. je te donne des places de cinéma si tu fais ça. Et si là on appelle les cocoteurs, tu composes. Je me fais passer pour une meuf qui s'appelle Sarah. Je suis métisse, j'ai des cheveux bouclés, j'ai de beaux petits tétés, de belles petites fesses. Et je chauffe. Pas très différent de la virgule, en fait. Allô, c'est Célib ? Oui. Ah, qu'est-ce que t'as envie de me faire ? J'aimerais glisser mes doigts sur ton tricot. Je t'aurais déshabillé tout ton booster. En plus, je suis habillée en robe et j'ai pas mis de culotte. Oh, je t'aurais caressé. T'aurais fait quoi d'autre ? J'ai déjà attaché une fille au lit. Ouais, ah, j'aime bien ça, on m'a jamais fait. Avec plaisir. Pendant que je t'aurais léché en même temps. Est-ce que tu as des fantasmes que t'as jamais fait, par exemple ? Sincèrement, j'en ai un, mais après, je sais pas si ça pourra se faire. Ouais, bah dis-moi toujours, c'est quoi ? Entourer des femmes et m'amuser. Parce que moi, j'ai 3 cousines, ouais. Et tu aimerais quoi ? Tu aimerais être dominé ou alors dominant ? Je répète votre objet. Je vais mettre un objet, votre objet. On va t'attacher. Oui, pourquoi pas. Et tu me disais par message que tu as un rouleau à pâtisserie chez toi. Il est comment ? Il est grand ? Il est long ? Il n'est pas si épais que ça, mais il est assez long. D'accord, d'accord. Bah écoute, à partir de maintenant, comme je t'ai dit, c'est moi qui domine. Donc je t'informe que ce rouleau à pâtisserie va rentrer en toi. J'adore ça en plus. C'est vrai ? Tu as des sensations de ce côté-là ? Énormément, pourquoi pas ? Ça me dit oui. D'accord, bah puisqu'apparemment tu aimes bien prendre des choses en toi, bah je vais ramener aussi ma bouteille de soda 2 litres. Avec plaisir. Le soir. Génération 97, Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. Sur Trace FM. Végiben, the best. Jalousie en belle jeune femme. Une belle jeune femme envoie en tout genre. Si nous guessons pour un life, passons vers tous les jours. Tous les jours. Pouvez ça sans y jamais vers tous les jours. Et les clés à moi, chale virer depuis le départ. Senti moi bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a nous qui aille là où vous aille. Ou pas qui qu'est en moi, elle veut ou mettre sentiment en otage. Y'a nous c'est une belle jeune femme. En fait pas où rester seul. En qui fait tout pour ses temps. En fois c'est là qui rêtait d'ailleurs. Et nous qui flexons, qui fait des mounes. Et qui a dansé en tout cas senti moi bien. Qui pour aller sans les tours. En nous partis sans garder d'ailleurs. En ça bonjour qui brand new girl, I'm messing with the clean Gucci day. Brand new ride up, me the girl a Gucci day. Me no matter girl, can we in a Gucci day? Clean Gucci, me a run down the Gucci day. Girl, your body look good, but a Gucci day. Like a full moon in a Gucci day. Make me cocky feel cool, but your Gucci day. Can me a figure bar a bar. 6:30, you are one band the world till day. 12:04, me cocky ass, I feel sweet day. Best girl in a day, never open me. Me a mad attack far. Girl, your pussy mad ready me a that far. Tapping on the agony attack fire. She a bad sick. Ready fuck star. Me no matter girl and me say come no easy. Jump on the girl them rap on the chip. Chef pussy day me a come down silly. Your pussy so sweet. Girl, your body look good but your Gucci day. Like a full moon in your Gucci day. Make me cocky feel good but your Gucci day. Can me a figure bar a bar. 6:30 you a one band. Fight over man. From a little bit of just some tanner. This a girl on the one game one. After that him don't fool them. Like if you gonna fight over man. And everybody knows you're real. Me put it on a fanny woman. Tell him go free that. If you know some in the regular. just summertime. This a girl angle why me one. After that him done full time, just get the bomber. Tight is who tell no fight over man. And everybody knows here we a name brand. When me a wine, me give the wicked Islam. So me sorry for the girl them out there when I have no clam. Me know fi do me thing, me know fi gauge and place it. Beat me out there about some woman and waste it. Girl a wine fast like a race, she a race it. Me put it on top. Russia. Me feel so tight, let me get mad drop sky, China shock. Hey black girl, hey white girl, bleach out girl. How you feeling? Everybody feel, everybody feel. Like St. Thomas, do the beach feel. Like Calabar, do the world go. Do wonderful, do come balance. Hey, full of spliff, come in one get. Wine for me, baby. Girl, wine up, pack a day, Sakila. En l'étant solo, toujours que mes yeux qui Shakira. Ou baby, ou Maria, dans soirée. Au loin, en carouille, en bagaille qui roule en carrière. Wine up, baby, wine up. Wine up, baby, baby, baby, baby, baby, wine up, baby, wine up. Jump, wine up, baby, baby, baby, baby. I got bang, girls are Joe's slang, slang, slang, bang. Dirty and strong, strong. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird, weird pan, pan. Bang, wedding plan me. She a weird pan. Bang, bang, sexy and, sexy and, sexy and round. Sexy and round, and round. Bang. Bang bang, a weird pan, she a weird pan, pan. A key walk me, she a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. A key walk me, she a weird. Don't know say how we are on the place and the club we then have a clue. When they shut the road and when they tell them I go do. From your distant pattern you missing like all the shows. If you see tomorrow they come on a broken road. So when you see them call me name no make you reach back to me. So we go till the go up a but here we a share. Born up a grass life we no response we no care. And we no mini boss so we no need fi carry fear. Back a motor chat, back a motor chat. But break a we no care cause we no never be good fat. We no listen to a rat, who no say I don't be that. Me no knock on the papple cause I mark them come a man. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat, no. And if me need fi make a search, can you just give me the map, no. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat, no. And if you listen, if you turn, boy, I feel really black, no. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat, no. And if me need fi make a search, can you just give me the map, no. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat, no. And if you listen, what you need, boy, I feel really black, no. Tell a boy, no run, no joke, I'm in a friendly. Plus them no have the powers of the bench, well. We are the mayor for the town, ask my cancer. Make them go free, watch me like a documentary. Cause we are make money like rent. Friendly, we better than them, it evidently. Give my shot, but we no see with the sense that they blast. We are not in 21st century. Correct, stop not giving a shot, not giving a shot, not giving a shot. Well, watch out now. Me a hotter now. We are better now. We are greater now. Send me tune. Well, watch out now. Ask them who are the king. Me a hotter now. The imposter need to tell. He's better now. He can diss me and turn. We are greater now. Black a dem, black a and turn them dead. Live in the future to see them fret. No, no, no, no, no, I can make your bread. Kick it today, I know they will be dead. On them, them, them, them, chichi. Ah, let them, chichi. I know who are the good girl when they're pretty. I know who are the bad boy when they're freaky. On them, chichi. Ah, let them, chichi. I know who are the good girl when they're pretty. I know who are the bad boy when they're freaky. Hey boy, no they tell me ne. Tan yo pale lande yo la kapatine. Tout ça mon fait bien, ou ka well bien. Par me pou essayer fini baratine. Boy, ti no fin. Lâche tête yo sérité. Sani lande, an ka fait victime. Boy, you all are them things so me sing se. On them, chichi. Let them, chichi. I know who are the good girl when they're pretty. I know who are the bad boy when they're freaky. On them, chichi. XO, XO, my love is very special. If you have it. But don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that beach there. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it. Oh, you play tune, play tune. No lady G, just so-so-so. No maca diamond, so-so-so. No lady sa, just so-so-so. Stop, come out, don't waste me time. To me say play your think a pantomime. Me want Marlon, we play a good rhyme. And big tune, line after line. Nobody make Marlon rise him nine. Shoot you up with dub in your spine. Sad sound boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better reserve. How you play a tune, play a tune. No maca diamond, play a tune, play a tune. Holy day, play a tune, play a tune. Some boy, play a tune, play a tune. How you play a tune, so so so. No lady G, just so so so. No maca diamond, just so so so. No maca diamond, just so so so. No maca diamond, just so so so. No maca diamond, just so so so. No maca diamond, just so so so. No maca diamond, diamond, diamond. Money you fi make make. Money, money you fi make make. Money man a look so, money man a look so, money yeah man, money yeah, money if you make push it. Money man a look so, money man a look so, money book it. Money if you make push it. Money man a look, money man a look so. Songs like these, like people them it. And also to my flow, them and them to me pattern and me style and me stamina. Just to get them autographs, sign them, come on. Money we a look, we have the amphitheater money we. No type the money scale balance, I eat a fluctuate. Hungry, no stop, food up here. Tell them one thing like that. Girl, why people are to fight over man? Bo pa ke gouma ke to jis pun nom. Pepe fait tout aussi magri, pouye to commenter. Mais depuis to pas touch the bad one. Fight over man, bon paquet goût maqueto juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter, mais depuis ton bagage. Yo, c'est juste un monstre, un bitch. You are the number one DJ. Fast speed, moi savez pas cheer, don't like we. T'es qu'à parler, a yang sa yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo, papa each, you are the number one DJ. Yo, qu'à snitch, le look a des sons cool lightning. Tu peux venir rêver, d'ouvrant, moi la pop. Mais moi j'addis d'un pour pièce. Yo, c'est juste un. Girl, wifey, pas qu'à fight over man. Bon paquet goût maqueto juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate de bad one. Real wifey pas qu'à fight over man. Bon paquet goût maqueto juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate, mon bad girl. C'est mon amateur. Pas avec tes je sonne des murderers. Il est trop fort sous la terre. Vous êtes trop sauté que couille dans l'âge. Où j'ai dit à Roun. Man on my life. Tes je sound. Génération 97, génération 97, c'est fait pour toi. Tu sais que c'est un couple, il y a Hugo. Tu sais qu'ils sont en couple. Jayana King et Bambi. Mais oui. Comment tu sais ça? Ah bah j'ai mes petits secrets hein. Tu as tes petits secrets. Mais oui. Tu savais pas ça? Non. Toi qui es au courant de tout. Je me doutais, j'avais un doute, mais tu vois, j'étais pas sûr. Ça, oui, tu savais ça toi. Mais bien sûr. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est pas comme Dasha Kérosène où les gens parlent mais... Dasha Kérosène, c'est... Parce que Dasha Kérosène, c'est pas en vrai alors? Je sais pas. Et pourquoi ce serait pas vrai? Vous avez plus d'infos que moi. Pourquoi ce serait pas vrai? Je sais pas, moi je prends des pincettes. Vous avez des vraies infos apparemment. Tu as les mêmes infos que nous, sauf que toi tu as encore des doutes parce que tu espères quelque chose. C'est pas pareil. C'est ça. Peut-être, peut-être. Il y aura des Air Max à gagner tout à l'heure sur Trace dès que vous entendez ça. Cet hit de Cécile. Enchaîné à ça. Yuji et Mysteriously Dance For Me. Bref, dès que ça retentit, dès que ça s'enchaîne, vous appelez 0820-203-200 pour gagner votre paire de Air Max. D'ici là, on a du Seki dans la radio. On cherche une star locale, nationale, internationale. Si vous avez la réponse, vous repartez avec des cadeaux. Voici les indices.

parce que je, au niveau de ses mariages, je ne sais pas trop si on le sait qu'il a trois enfants. Il a Chantilly à l'époque. Et il est acteur. Il a effectivement été marié deux fois. Ça se tient, hein. Et c'est lui en plus. Je sais pas, c'est lui. Oui, c'est lui. Bonne réponse. Tu repars avec tes cadeaux. Il repart avec quoi? Tu es toujours là. Ouais, avec moi, avec toi que je parle, oui. Tu veux que je parle à qui? Avec toi qui pars, il a dit. Ah, qui part? Et il veut un cadeau. Mais d'accord. C'est lui qui décide. On part où ensemble? C'est deux places de cinéma pour toi. Loïc. Tu repars avec tes deux places de cinéma, ok? Tu sais avec qui tu vas y aller ou pas? Avec toi. Deux places de ciné pour toi, 0820-203-200. D'ici là, il y a Tijo Sound. Tijo Sound qui va nous mixer. Il y aura du Kalash dans la session. Il y aura également du Warped. On a eu des nouvelles de Yannick aussi. Il a posté une photo. Vous avez vu? Une photo très énigmatique. Apparemment, il est à l'aéroport, hein, je crois. C'était vrai ce que nous a dit Thomas tout à l'heure. Ouais, mais il a pas l'air rassuré. Tu peux être à l'aéroport et être toujours dans le même pays, quoi, dans la même ville. Il a l'air fatigué. Ben oui, hein. Généralement, à l'aéroport, tu es encore dans le pays où tu n'as pas encore été. Non, mais après, quand tu arrives à destination, tu es aussi à l'aéroport. Oui. Ben voilà, tous les aéroports se ressemblent, hein, tu me diras. Non, arrête, mais n'importe quoi. Si, si. Sauf celui de Saint-Martin. Il est bizarre. Lequel? Il est tout petit. Le tout petit, mais il y en a plein d'autres qui lui ressemblent dans la Caraïbe. Ouais, c'est sûr. Et tu n'as pas encore atterri au Sainte. Comment tu fais ça, hein? Il y en a un aéroport. Oui, d'accord, mais c'est pas... Ah, je préfère y aller en bateau. C'est pas rassurant, mais il y a des gens qui atterrissent là quand même. C'est plus sûr d'y aller par bateau, bizarrement. En tout cas, là, à mon avis, il est à l'aéroport. Ouais. C'est encore ici. Il n'est pas encore parti. Bon, bah d'ici là, on va appeler... Même temps, on n'a pas l'heure à laquelle il a posté la vidéo, la photo. Il a envoyé ça à qui? Dans le groupe, toujours. Attends, non. Dans le groupe WhatsApp. Non. Il nous fait marcher. Non, mais attends, c'est une capture d'écran, ça. Tu dis ça? Regarde dans le coin, il y a un petit 1. Allez sur le Facebook. Tu peux avoir pris une photo il y a deux mois. Tu peux avoir pris une photo il y a deux mois et puis il l'a envoyé à quelqu'un. Oui, il fait ça. Elle change de coiffure sur ses photos tous les jours sur Instagram. Tu peux aller voir, elle a du rouge, du bleu. C'est vrai. Eh ben oui. Non, mais ça, c'est une capture d'écran. C'est machin, ça. Donc il nous couillonne, en fait. Tu penses qu'il est toujours beau, Kai? C'est Snap, ça. Ouais, je sais pas. C'est une capture d'écran Snap. Bon, en attendant, on va appeler dans le Hey Baby Allo tout à l'heure. Menez l'enquête, les gars. On appellera qui dans le Hey Baby Allo? On appellera Samantha. Ok. Samantha, c'est son pote qui nous a laissé son numéro. Donc on va l'appeler dans quelques minutes. On va voir comment elle réagit. D'ici là, c'est DJ Tijo Sound derrière les platines. Montez le son sur trace. Génération 9-7. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Trace FM. Tu écoutes Trace FM. First on the hits. Paré pour la rentrée. T'inquiète, ça va aller. À condition de te procurer le forfait SAP by SFR. T'as SMS illimité. Et une heure pour appeler. Tu peux même surfer avec 500 mégaoctets. À partir de 9,99€ par mois. Pendant 6 mois. Plus 14,99€ par mois. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Eh ouais, c'est nouveau et c'est posé. Forfait SAP by SFR, ça le fait. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Bail signifie par. Trace FM. Trace FM, premier musical. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 9-7 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 9-7 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bungie Garlin. 9-7 People, spéciale vacances. 9-7 People, spéciale vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane sur Trace Urban. We love hip-hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Trace FM. www.trace.fm. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Joe Sound, Big Bad D. Vas-y. Oh oh. Je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Je n'ai jamais oublié les potes de mon bando. Je suis tellement vrai, mais je te donne chaud. Tell my ex bitch that I'm sorry. My bad. I'ma skate off in a Rari. Key 36 by my side. I'ma go bake me a pie. Key 45 by my side. Fuck with my niggas, you die. All of my niggas say blood. All of my niggas say cub. OT, I found me a plug. I got it straight out the mug. Keep it 100, no bugs. I'm feeling low with the drugs. Busting it down in the tub. Pay me my money in dubs. Water whipping, looking like a fishing baseball in the kitchen with my arm, I'm pitching. Rolly on his glisten. I'm a donut kissing. Niggas steady tripping, so I steady gripping. Dirty money on me, got a scallop on me. I don't fuck with phony, bout to sell a pony. All these niggas on me, all these bitches on me. Say my price is good, motherfucker. Show. Cut it. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Chopper like I'm fed. Look at my dab. Got me feeling like I'm foul. Bitch, damn. Look at my dab. Spreading dab across the map. Ooh. I'm dabbing when I walk up in the trap. Bitch, I look damn. At the pot, I'm like, get in there. I play with the water, need swim well. Swims. Look at my dab. Get in there. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Bitch, damn. Get in there, get in there. Bitch, damn. Get in there, get in there. Bitch, damn. Just another nigga on the hit list, tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine, never thought you could have it. You needed me. Ooh, you needed me. sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Putain, je veux pas qu'on m'invite, pardon. Je recompte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Les bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non. Ok, je prends balai. Je crame une clope dans la cette passion. Voir ma je sais pas. Ça va s'appeler si elle est là. From Salawine, Mama, hey, yes. My girl, Alaina, I want to put you on your back, on your back. Let go. I want to put you on your back, on your back. Let go. I want to put you on your back, on your back. Let go. I want to put you on your back, on your back. Let go. On your back, let go. Mama, Melina, quoi c'est ça? Si ou mec, si ou go. We met a left photo, Ben Yongo. I push in that. On your back, I put you flat. Back to win, I bow attack. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, hey, you go. On your back, I put in you, even if you come through. Make I say a back and full, back hole a leg of blue. Take your time, look it there, let me push it right in there. If I flat, I have a spare, start to climb up on it there. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, let go. I want to put you on your back, on your back, let go. On your back. Le soir sur Trace FM, la radio est libre, que ce soit sur le talk, sur les jeux, mais aussi sur la musique. DJ Tijo Sound au platine, vous lui réclamez ce que vous voulez. Hashtag G97, hashtag Trace FM. When we reach up on the highway, Carnival Monday and Tuesday, we fetting at Nupa Mele. On the road again, we getting in some rumble in the pain and we chanting. Check me, don't station him want take me. Him said I'm riding dirty, say me riding dirty. So I pull out the fertilizer and I tell Batman say me blow. Me say oh no, oh no, oh no, I be say Batman don't blow. Sound. Somebody say Trace FM. Trace. Génération 9-7. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Oh merde. Merde. 0820 203 200. Bah si, c'est ça. Tu connais les jingles par cœur, toi. Un câble. Dans un petit instant, on va appeler dans le Hey Baby, allô, comment ça va Kalash? Ah, Kalash est là. Tu es prêt à appeler ce soir ou pas? Mets-toi à l'aise, vas-y. Ok, on appellera qui? Samantha, c'est ça? Samantha. D'accord, mais avant, on a Charlie au standard. Allô Charlie, comment vas-tu? Oui, allô, comment vous allez bien? Ça va et toi? Tu es là pourquoi? C'est pour du sujet, tu veux parler du RSMA, on t'écoute. Oui, voilà. Et je voulais expliquer comment ça se passe à la RSMA. Ouais, dis-nous comment ça se passe. Et pour moi, c'est dur dur. La RSMA, c'est vraiment dur dur. Mais le problème... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème... Quand je vous dis que c'est dur, dur, on doit se lever à 3h du matin pour faire un petit déjeuner. Ah, vous mangez, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi on vous donnait pas à manger. Oui, à 4h du matin, on va faire du sport. Difficile. Et aussi, là, je suis avec mes amis là, on est tous là. Donc en fait, c'est un coup de gueule que tu veux passer par rapport au RSMA, donc, c'est ça? Et il le fait pas dire, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, frère? Non, mais je lui demande. Il peut avoir des problèmes, il peut machin, aller râper des pommes de terre, des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est toi qui as choisi d'aller au RSMA ou on t'a obligé? T'as l'impression qu'on l'a obligé aussi. En fait, c'est moi qui l'a choisi, je voulais me dire comment ça se passe à la RSMA. La RSMA, les gars. Non, au RSMA, tu veux dire. RSMA, voilà. Non, RSMA. RSMA. Arrêtez, et on va se calmer. RSMA. RSMA. Oh merde. D'accord. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? C'est le régime. C'est quoi? RSMA, régime de service militaire adapté. Bien. Et voilà, exactement. Et je suis de la première classe caporal chef. Wow. C'est caporal chef? Eh ben bravo. Non, pas moi. Non, pas toi. Pas moi. Non, moi. Il est de la première classe. Il est de la classe. Mais il a dit caporal chef. Tu es caporal chef ou pas? Non, pas moi. Je suis de la classe caporal chef. Mais c'est quoi ton rang ou ton grade? C'est quoi? Il a compris. Attends. Quoi? Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je dois écouter le caporal chef. Ah, tu dois écouter le caporal chef. Et ça, oui, ça te gêne, en fait, de devoir l'écouter. Attends. Et tu es dans un aquarium là. Dioga, d'arrêter de te mettre sous l'oreiller, de te laisser parler. Il a dit, et si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qui t'arrive si tu n'écoutes pas? Il le met sous l'oreiller. Il va nous dire pendant 30 pompes. Et 30? Et 100 pompes aussi. Et 100 pompes aussi. Mais c'est quoi? C'est une punition? Il te fait faire des pompes parce que tu as fait un mauvais truc? Qu'est-ce que t'as fait? Donc en fait, tu regrettes d'être entré au RSMA? En fait, je crois que non. Je crois qu'il n'a pas le droit de dire ça. Et à quel moment tu peux sortir de là alors? C'est ça, il te relâche quand? Mais il doit faire 18 mois. Tu dois faire combien? 18. 18 mois? Et tu as combien là? Tu as combien? Ça fait combien de temps que tu es là? Mais je suis rentré au mois de septembre. Donc il y a deux semaines. Il faut que tu restes là 18 mois. Non, 12 mois. 10 mois. 12, 12. 12. Un an, quoi. Et tu en as déjà marre, en fait. Oui, j'ai réussi à faire tout. Mais concrètement, pourquoi tu nous appelles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu veux qu'on planifie ton évasion? Tu veux quoi? Charlie, tu nous appelles pourquoi? Merci pour aller bien à la Il faut qu'ils se mettent dur dur s'ils veulent rentrer au RSMA, c'est ça? Oui, il faut pas être mou. Et comment ça se passe avec, avec tes camarades de chambre? Il faut du bordel. Vous êtes combien dans ta chambre, Charlie? Mais là, dans la chambre, on a 30 relations. 30 ou 40. Et ça va? Il y en a avec lesquels tu t'entends bien? Tu t'es fait des amis ou pas encore? Mais attends, ils sont 40 dans la chambre? Ouais, ben il y en doit bien avoir un qui s'est pris d'amitié pour lui. Attends, raccroche pas. On a la cause qui veut réagir. Yo, la cause. Aïe, la cause a raccroché. Tu l'as déjà, tu dis pas la cause, tu dis la cause. La cause. Excusez, boss. Vas-y, Charlie, on t'écoute. Donc, t'as trouvé un pote ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que tu as trouvé un pote? Est-ce que tu t'es fait un camarade? Est-ce ou un zombie? Oui, j'ai déjà trouvé. Enfin, oui, on a trouvé. Il s'appelle comment? Mais là, il y a un qui s'appelle... Bon. J'ai pas compris. Attendez, je vais appeler même le camarade. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Attends, il va l'appeler là. Oui, mais oui, mais il faut bien qu'il connaisse son prénom pour l'appeler. Ismaël. Non, il s'appelle. Tu connais pas son nom, mais c'est ton ami. Ok. Il a un autre nom. Ok. C'est normal. Allô, je sais pas. Ok, tu nous le passes là, c'est ça? Oui, je attendez. Ok. On a rappeler... Wendy qui adore ta voix. Hein. Wendy sur Twitter, elle aime beaucoup ta tu voix. Tu peux rappeler la cause? La cause. Allô, allô. Il capte pas? Camarade de Charlie, es-tu là? Donc apparemment ça se passe pas super bien pour lui. Je sais pas à quoi il s'attendait en fait. Ils sont 40 dans une chambre. Ouais non mais ça c'est normal, c'est l'armée. Ah, aussi. On a la cause qui nous rejoint. Bonsoir la cause. Bonsoir. Yo. Je le dis encore une fois. Ouais. Allez, c'est encore coupé. Le gars s'auto-censure. Non, ça a coupé. On ne peut pas parler en mal du RSMA les gars. Ça a encore coupé, mais rappelle-le. Hein. La cause. C'est pas possible. On a Stéphane qui dit qu'il était lieutenant à l'armée. Il se demande pourquoi Charlie se plaint. Ben ouais, parce que bon, on sait quand même que c'est un peu chaud. Charlie qui est un garçon, hein, je précise. Mmh. Non, parce qu'il a écrit elle dans son tweet. Ah, d'accord. Je sais pas de quoi elle se plaint. Ah oui, donc ben... oui les gars, ne commencez pas à vous faire des films. Ouais, genre, ouais, il y a 40 garçons. Il savait peut-être pas ce qu'il attendait. Il savait peut-être pas ce qu'il attendait et ouais, il déchante bon, maintenant. Ça arrive, hein. Ouais, mais c'est dommage, quoi, parce que là, il est parti pour 18 mois et je pense pas que tu puisses dire, ouais, caporal, finalement, je veux pas les faire. Mais si, justement, parce qu'en théorie, ah ouais, t'es censé faire une période d'intégration de 2 mois, d'après ce que j'ai compris. Parce que j'ai des amis qui y étaient et ils m'ont dit, en fait. Et ils ont trouvé ça trop dur, tes amis. Ils ont trouvé ça tellement dur, tu peux pas t'imaginer. Ils ont craqué au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, on a le droit alors de partir. Non, justement, ils ont pas craqué au bout de 2 mois, ils ont craqué après les 2 mois où tu pouvais encore partir. Ah c'est putain, c'est con. Ils sont obligés de tout finir pour pouvoir rentrer chez maman. Ah ben ouais, ben il y a peut-être encore une solution pour Charlie. Charlie, t'as trouvé ton pote ou pas? Oui, il a coupé. Voilà, je vous le passe. Ok. Ouais. Ok, vas-y. Bonsoir. Salut, salut, bienvenue sur Trace FM. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Fly. Fly? Oui. Ah, cool. Et tu mixes aussi? Tu fais des mix, toi? On t'écoute, Fly, tu voulais dire quoi, toi? Bon ben pour le reste c'est cool hein, c'est ce que je dis et après papa. Et vous êtes au même endroit avec Charlie parce que c'est pas du vraiment ce qu'il nous disait hein. Oui oui je suis au même endroit avec lui là. Ouais mais c'est si chaud que ça les gars. Comment? C'est vraiment aussi tendu que ça? Ça fait combien de temps que tu y es toi? T'es arrivé en même temps que Charlie ou un peu avant? Et lui il avait l'air de se plaindre un peu des réveils qui sont un peu durs, 3 heures du mat. Et surtout des pompes. Apparemment, lui, c'est les pompes qui sont un peu galères pour lui. Ouais, pour lui, c'est pour lui, c'est un peu galère, mais sinon ça va. Mais toi, sinon, ça va. Toi, t'adores pomper, tu sais faire ça. Non. En fait, moi, j'ai plus quoi, il se passe également mon genou gauche. Un petit problème, mais sinon ça va. Toi, tu fais plus quoi? Mon genou gauche, un petit problème, donc du coup, je peux pas faire grand chose. Voilà. Ok. Et les pompes, ça se passe bien ou bien? Mais quoi? Les pompes, quand on t'en fait faire des pompes. Parce qu'apparemment, oui. il y a des punitions qui peuvent aller jusqu'à 100 pompes. Oui, oui, oui. Tu arrives à les faire? On va dire ça comme ça, ouais. On peut dire de toi que t'es donc un super pompeur. Non, même pas. Pompeur débutant, alors. Comment? Un pompeur débutant. Voilà. Ok, pompeur débutant, salut. C'est Fly. Il y a du quartier, ouais. Si vous reconnaissez. Quand il reviendra du RSMA, il sera plus le même. On a la cause qui est avec nous. La cause, tu nous entends? C'est le King. Le King, vraiment. Le King, on t'écoute. C'est le King. La dernière fois, je vous ai appelé pour un autre sujet. Ouais. Mais personnellement, vous voyez ce soir là, ouais. Je suis au camp, moi. Et je ne vais pas permettre qu'une petite meuf qui vient pour coquer. C'est un garçon, attention, c'est un garçon. C'est pas une meuf, il d'accord. Vient pas pour quand coquer non vient... plus. Ok, d'accord. Mais au camp, c'est faux. Quand on vient au camp, c'est pour un objectif. Et quand on est carré sur son objectif, on l'atteint. Comme moi, par exemple, et beaucoup d'autres. Ouais, mais toi, t'as l'air super déterminé. Rien qu'à ta façon de parler, on voit que t'es déterminé. Non, maintenant, moi, je suis première classe maintenant. Je suis première classe, on est payé, on est tout pour avoir ce qu'on veut et ce qu'on vient chercher. Alors, si la meuf est venue pour coquer en chambre... Le gars, c'est pas une meuf, c'est un gars. C'est un gars, frère. Le King, c'est un gars. Quoi? Non, il y avait une meuf qui parlait. Non, c'était un gars. Charlie, c'est un gars. C'est un garçon. Il a une voix spéciale, mais c'est un gars. Déjà, on parle de quel RSMA? De Martinique ou de Guadeloupe? Charlie, mais c'est le Guada, je crois. Ouais. Charlie, t'es où? Guada, il est à Guada. Ok, il est en Guadeloupe et il se plaît parce qu'il fait des pompes, mais il est venu pour faire quoi? Au camp. Attends, il est venu pour se branler ou quoi? Se pomper. Non mais attends, le King. Déjà, on doit pas à 40. Le gars, il dit qu'on doit à 40, il ment. On est à peine à 8 dans une chambre, l'imbécile. C'est le King qui dit ça. Alors quand il vient ouvrir sa gueule, l'imbécile, en plus il a sa radio ouverte, j'espère qu'il m'entend. Ben... Et quand tu es à l'aise, tu as de l'argent, tu bois, tu manges, tu dors, tu fous rien, tu peux pas l'électricité, tu fais rien. Ok? Le seul truc qu'on te demande, c'est fermer ta gueule et respecter ce qu'on te dit. C'est tout. Moi, je suis au camp, moi. Moi, je suis au camp, je suis première classe. Mais attendez, si vous êtes tous les deux au camp, vous êtes censés être au même endroit. Pardon? Vous êtes censés être au même endroit si vous êtes tous les deux au camp. Comment c'est possible que tu nous racontes un truc et que lui, il nous raconte un truc qui est complètement différent? Charlie, t'es... Mais c'est faux. Quand tu arrives au camp, on te dit que quand tu arrives au camp, tu signes, tu fais ce qu'il faut. Et tu arrives pour une formation. Mais les gens qui arrivent au camp parce qu'ils ont envie de soit cacher leur famille ou aller cacher quelqu'un qui doit de l'argent ou un truc comme ça, mais ils vont aller se faire foutre. Leur gueule, ils vont se casser la gueule au camp. Voilà, parce qu'ils ne sont pas venus chercher ceux qui doivent avoir ici. Mais au final, est-ce que ça c'est pas ton propre ressenti à toi? Le ressenti que tu as un objectif et qu'il faut y arriver. Parce que voilà, il y a quand même des gars qui l'interprètent autrement. Il y a quand même des gars qui doivent souffrir. Il y a des mecs qui ont craqué. Écoute, laisse-moi te dire, tu vas au camp, tu as un mois pour te décider. Tout le camp, tu as le mois d'insertion. Ce qui veut dire le mois d'insertion, tu arrives, c'est soit tu te décides à rester ou pas. Si tu restes, tu fermes ta gueule. Charlie. Charlie, t'es encore dans ton mois d'insertion ou quoi? Alors, c'est le King. Non, pas toi. Je parle à Charlie, celui qui t'a fait réagir, justement. Charlie, c'est ce que je fais. Je lui demande. Charlie, t'es encore dans ton mois d'insertion ou pas? Non. T'as déjà fait le mois d'insertion? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà fait le mois d'insertion? T'as déjà fait? Et l'insertion, au niveau de l'insertion, ça s'est bien passé? Comment? Non, ça s'est pas bien passé, mais tu es resté quand même. Pourquoi t'es resté? Bah, je sais pas, parce que la plupart des gens, quand l'insertion se passe pas bien, ils restent pas à le prendre, quoi. Bah, ils partent. Et toi, tu trouves ça normal? Enfin, je sais pas, pourquoi t'as pas changé d'avis? Là, t'es en pleine galère, t'es parti pour 12 mois. T'as 12 mois encore à rester. Je sais pas, faut que tu trouves un moyen de te motiver. Il y a Lock King apparemment qui est sur le même camp que toi. Et je sais pas, tu pourrais lui demander des conseils pour les pompes. Apparemment, toi, ça marche pas. Lock King, il a l'air d'être beaucoup plus motivé que toi. Je sais pas, Lock King, tu penses que tu pourrais l'aider ou pas? Écoute, personnellement, moi, je viens de l'ASP. Moi, je viens de l'ASP, la formation qui est plus difficile au camp. Ouais. La formation où tu traînes le plus, tu rates plus. Alors que quelqu'un vient pour soit faire la cuisine ou un truc comme ça et il se plaint, je suis désolé. Moi, je suis désolé. C'est soit tu dois rester chez ta maman. Tu dois rester chez ta maman pour boire son lait ou je sais pas quoi. Mais personnellement, tu viens pas faire chier aux gens et critiquer ce que la Guadeloupe te donne. Parce que franchement, le camp, c'est donné. Le permis est donné au camp. Le permis, tout est donné au camp. Je ne vais pas permettre que quelqu'un vienne critiquer ce que offre le camp. Je suis désolé. Oui, mais donc toi, tu es fâché, Lucky. Lucky. Tu m'entends? Je vous écoute. Ouais, toi, tu es fâché, mais est-ce que tu as des conseils à donner à Charlie pour qu'il s'intègre et pour qu'il soit motivé au final, comme toi, quoi? Ça va pas, parce que personnellement, dans mon contingent, quand je suis rentré, il y a beaucoup qui sont partis. Mais partir, c'est s'avouer vaincu. Et c'est ce qu'on ne doit pas faire. On doit rester carré, solide. Et le problème qui se pose, c'est que lui, il a sûrement des ennuis avec des gens, il ne s'entend pas avec des gens, et c'est ça qui lui fait peur. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se montrer, il ne faut pas se laisser abattre, quoi. Oui, mais Lucky, est-ce qu'au final, tu ne penses pas qu'il faut rester non seulement solide, mais en plus solidaire et s'entraîner dans ton camp? Exactement. Dans le camp, c'est la cohésion, il faut comprendre comment ça se passe. C'est pas la même vie qu'à l'extérieur. Alors dans ce cas, ne lui reproche pas à lui de ressentir les choses différemment que toi. Il a un autre mental que toi. Il peut pas ressentir. Exactement. Il est peut-être pas aussi fort que toi. C'est à toi, justement. Mais non, mais écoutez, dans le camp, il y a près de 800 stagiaires. Il y a près de 800 stagiaires. Je vais pas permettre que seul vienne critiquer alors qu'il y a pratiquement 750 qui se bat. Il faut peut-être pas le prendre comme une critique, mais il exprimait justement ses difficultés, sa peur de ne pas y arriver. Déjà, il est dans quelle section, déjà? Et dans quelle section? Il est dans quelle compagnie? Charlie. Où? Dans quelle section tu es? Le King te parle. Réponds au King. Là, je vais aller de là à la Rouge. Ben voilà. Mais justement, je viens de la Rouge. Il va dans quel machin, mais à la Rouge, il est super bien à la Rouge, justement. C'est là le truc. Il est super bien à la Rouge, c'est pas comme s'il est tombé à la bleue ou à la jaune. Je suis pas là pour critiquer, hein. Je sais pas, là, c'est les équipes Pokémon. Non, mais nous, on connaît pas, il faut nous expliquer. C'est quoi l'équipe rouge et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la bleue ou la jaune? L'équipe Boivon. Oh, parce que la Rouge, elle est beaucoup plus stricte et tout le monde est là pour tout le monde. La Rouge est plus stricte. Solidaire à la Rouge. On est plus solidaire. Comparé aux autres compagnies, à la Rouge, il sera le mieux placé. À la Rouge, tout est carré, tout est propre, tout est clean. Et tu te vois... Je peux le dire, je viens de la Rouge. Le King, justement, tu viens de la Rouge. Est-ce que tu te vois demain matin aller faire un tour par là et je sais pas, donner la main à Charlie? Parce que, visiblement, il a besoin d'accompagnement. Alors écoutez, personnellement moi je suis totalement désorienté parce que moi je sors de la Rouge et je suis maintenant à la Grise. Je suis totalement désorienté, je connais autre part maintenant, je suis autre part. Et ça, c'est pas pour ça que je vais baisser les bras, moi je continue. Je continue mon travail. Oui, mais tu nous emploies la Rouge, la Grise, mais on connaît pas les niveaux de difficulté donc. Mais oui. Voilà. Non, moi personnellement, tout ce que je lui conseille, c'est de continuer jusqu'au bout. Tu vois, dès que tu dépasses le premier mois, tu n'as plus le droit d'abandonner. Je permets que le premier mois, c'est le mois le plus difficile. Si tu ne te tires pas au premier mois,

One more time. Visit my world, it has three shining stars. All love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Ni pression, nous ni pression sont à la guide. Je m'en ai l'impression avec la famille dans toutes les sessions. Le dernier de la famille a pression, ni pression, nous ni pression sont à la guide. Je m'en ai l'impression avec la famille dans toutes les sessions. Le dernier de la famille a pression. Son ayant la vie, ça c'est mon ambition. Je veux rouler sous l'or, je veux toucher le million. Dans toutes circonstances, faire retrouver mes mignons. Pas de palais ou pas palais, moi ça fout et dit opinion. Les grands disent, mais la vie, avant que t'avais pour trapper. Même si il est de réussite, là, il est arrivé après. Mais on choisit musique, donc foutez-moi la paix. Mon impression m'en paraît, comme jamais m'en sapé. Parce que mon impression, mon impression sont à la guide. Je m'en ai l'impression, avec la famille, dans toutes les sessions. Le dernier de la famille a pression. Mon impression, nous les pressions sont à la guide. Je m'en ai l'impression avec la famille dans toutes les sessions. Je donne la famille à pression. Tous les soirs sur Trace FM. Sur Trace FM, il y a 100 minutes, on s'est laissé sur un affrontement entre deux aventuriers. L'un est passé par l'équipe rouge, l'équipe grise, c'est le King, et l'autre vient d'arriver dans l'aventure. C'est Charlie, vous êtes toujours là les gars ? Oui, on est là, bien sûr. Alors, on resitue vite fait. Le problème, c'est que Charlie vient de s'engager au RSMA et ça lui plaît pas du tout. Donc, il est venu pousser un petit coup de gueule sur Trace FM. Et toi, le King, tu es venu lui dire que ça va pas du tout parce que le RSMA, c'est lui qui l'a choisi. Et pour toi, c'est une bonne voie. Exact. Exactement. Donc, on en est où ? Bien. Alors, comme moi, j'explique encore une fois. Je le dis haut et fort pour les mamans, les papas, les frères, les sœurs, si vous avez un frère, un jeune frère, une jeune sœur, quel qu'en soit, vaut mieux les envoyer dans le camp. S'ils sont dans la rue, qu'ils n'ont pas de choses à faire, qu'ils s'ennuient, ils sont dans la maison, rien à foutre, envoyez-les dans le camp, c'est la meilleure chose à faire pour eux. Et c'est ce que je dis. Des personnes qui perdent leur temps à critiquer le camp, franchement, ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils ont rien compris. Ok ? Quand on vient dans le camp, on vient pour un nouveau départ. Et c'est ça le camp. Le et c'était ton cas de Guadeloupe. C'est ton cas, en fait. Quel était ton objectif ? Quel est toujours ton objectif ? C'est pas mon cas, c'est ce que je vois. C'est ce que oui, je mais vois. Mais toi, toi, je tu vois, heureusement. Et même pour moi aussi. Toi, tu es rentré pour quoi ? Moi, je suis rentré pour avoir la formation que je voulais. Parce que personnellement, moi, j'aime travailler en solitaire. Et moi je suis rentré pour la sécurité. En sécurité on peut travailler seul. Et autre chose, c'est bon. Quand je suis rentré au camp, j'ai vu que pour beaucoup de personnes, vaut mieux que ce soit le chemin qu'ils ont tous pris pour eux. Parce que c'est le mieux pour eux, pour eux tous. Et tous ceux qui viennent dans leur camp. Et personnellement, moi je vais laisser l'inconnu bien connu parler pour vous. Il va vous le dire. L'inconnu bien connu, moi je suis le king. Et l'inconnu bien connu va bien vous dire ce soir que quand on rentre au camp, c'est pour un bon objectif, c'est pour quelque chose de bien, justement. On leur en restant là, là, parce que c'est un mec qui a volé à mon, un blessé mon bite roi, vous me dites quitter tout à votre camp là. Et qu'elle dise ça encore une fois. Salut l'inconnu bien connu. It's about that time. Au lieu qu'ils aient volé le truc des autres, des familles qui se font chier à acheter des trucs, hein, ils n'ont qu'à rentrer. Tous ceux qui disent que le camp, ils n'arrivent même pas à faire des pompes, c'est juste qu'ils n'ont rien dans la tête, quoi. Ils n'ont rien dans la tête. Ou dans les muscles. Ils sont juste, voilà, ils n'ont rien dans la tête, quoi. Et puis, moi déjà, je suis rentré au SMA. Je suis rentré VTS comme tout le monde. J'ai fait des pompes, j'arrivais pas à faire des pompes. Visiblement c'est les pompes, hein, le truc du RSMA c'est les pompes. Hein. Et t'as réussi au bout d'un moment à pomper ou pas ? Ben oui, maintenant je dépasse. Maintenant t'es un bon pompeur. Je suis pas vraiment bon, y a plus bon que moi. Mais moi je fais le maximum que je peux. Ben ouais, mais c'est ça. Je dépasse au moins 20 pompes. Donc si lui dit que... Il n'a même pas à faire des pompes, mais c'est que il a rien dans la tête. Mais c'est pas la tête le problème, je pense que c'est plus les muscles. Si, c'est dans la tête. En fait, il n'y a rien dans les muscles. Charlie ! Oui ? Les pompes, t'en fais combien ? Douche. Douche ? Douze ? Douche ? Il pompe dans la douche, Italie. Il pompe dans la douche ? Il en fait Charlie, 12. Tu fais combien de pompes ? Oui. Juste en dessous de 13. 10. Quoi ? 10 ? Oui, 10. 10. Ça va, il est à 10 pour l'instant, toi t'en fais à peine 20, l'inconnu bien connu, donc c'est pas beaucoup plus non plus. Non, mais au début moi j'étais comme ça. En fait, je faisais que 5 pompes à la CI. Et puis après, quand je suis rentré en compagnie, le travail, j'ai passé la limite. Je fais au moins 25 pompes dans une journée. Quoi. Donc si lui, il est qu'à 60 mois, ouais. il pourra pas. Il peut d'ores et déjà faire passer le départ. Il peut rendre compte qu'il s'en va. Quoi. Tu penses qu'il va pas tenir ? Non, il pourra pas tenir. Mais tu lui conseilles de persévérer quand même ou d'arrêter là ? Oui, il peut persévérer. Mais il va pas tenir. Il peut persévérer. Si en gros, il a rien dans les muscles, rien dans la tête, ça sert à rien. Est-ce que tu pourrais, toi, lui donner des conseils ? Est-ce que tu acceptes qu'on lui donne ton numéro en privé ? Et toi et le King, vous le conseillez, vous l'aidez pour l'aider à s'en sortir, quoi, à persévérer ? Un conseil que je peux lui donner, attends, ouais. Écoutez les cadres, ce qu'il leur dit, et écoutez ce qu'il leur dit, et fermez sa gueule, quoi. Ah ouais, c'est violent quand même, hein. C'est violent ce que tu dis. Il a pas le choix, je pense, hein. Non, non, mais c'est ça. Hein. Je dis la vérité, ça fait 11 mois que je suis là. Et je supporte la même chose. Maintenant, je suis VT, je suis premier en classe. J'ai subi et je subis encore. On me fait toujours faire des pompes. Et moi, je ne vous souhaite pas. Je ferme ma bouche, je fais des pompes. Ben Charlie, je pense que tu n'as pas le choix, hein, là. Tu t'es embarqué pour 18 mois, donc tu vas pomper. Oui, bien sûr, mais je suis pas là pour pomper les j'ai pas compris, Charlie. Il faut reprendre. Je comprends pas, là. Je disais que je n'ai pas critiqué les camps. Tu n'as pas critiqué les camps. Ouais, non, non. Tu nous as juste dit que c'était un peu dur pour toi. Oui, voilà. Ouais. On a le message de Magical Chris, l'inconnu bien connu, la façon dont tu parles. J'ai l'impression que le King a menacé de faire du mal à toute ta famille. Au début, c'est ce qu'il a fait au début. En disant que nous sommes 40 à dormir dans une chambre, c'est faux, ça. C'est faux. Donc pour toi, c'est un disrespect. Oui, tout à fait. Quand les autres auditeurs entendront que nous sommes à 40 dans une chambre, c'est faux. Nous sommes à peine à 10 dans une chambre. Hein? Donc moi, j'ai tout. Ah oui, ça s'est fait mentir. Bon, mais les gars, merci en tout cas pour votre point de vue. Ouais, et puis big up pour SMA. Lâchez pas, les gars, bon courage. Ok. Yes, I. Bisphos. Et Charlie, bah, essaye de rester fort, toi, de ton côté. Essaye de te renforcer un peu et puis bah, persévère, comme ils t'ont dit. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais... Ça va aller. Arrête de dire mais. Tu sais même pas encore ce que tu veux dire derrière. Tu dis oui, chef. Oui, caporal. Merci, Charlie. Big up, Charlie. Bon courage. Tu reviens quand tu veux. Mm-hmm. On va se quitter sur un petit Hey Baby Hello. On appelle Samantha, c'est ça? Yes. On revient après ou on dit déjà au revoir aux traceurs? Ben, on va leur dire au revoir après. Tu veux leur dire au revoir maintenant? Je sais pas. Je me tâte. Tu dis, tu te tâtes? Moi, je me pompe pas, je me tâte. Voici le Hey Baby Allo, tu composes le numéro, on y va. Hey Baby Allo. Je peux pas te parler, il est là. Rappelle-moi vers 23h. Ah. Maman! C'est chaud. Je serai pas là dans une heure. Bon, on est parti? On est parti! Bonne soirée tout le monde, on se retrouve demain sur Trace FM ici même. Bye bye, à demain. Génération 97 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. My love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted.